Ouah, au moment ça se goume, la jeunesse se foule. A tout âge, facilement on enfile la cagoule. Le banditisme chéchant, méchant. On retrouve autant de négros de la capoute de gitan. Les keufs sont déportés et foutent le camp. Quand on est massif, déterminé tel un volcan. Où l'argent facile est tentant, on fouille pour des cancans. Où il est trop tard pour traiter, où tu paies content. Attends, on veut tous une pièce pour becter ma gueule. Depuis la crise, y'a moins d'équipiers. On la joue seule, danse pour pied. On peut perdre pied, des fois ça bug. Si tu consultes un sorcier, prépare bien ton larfeuille. Ah ouais. T'as des projets, ouais, ouais. As-tu tes papiers, ah ouais. Tu connais le rejet, ouais, bienvenue, ouais. Chez les Français. Quand je te parle, c'est dans les yeux que je te regarde. Je suis un optimiste, la vie est trop courte pour être je petit. Je tiens la peau, on flambe et tout, on flanche et tout. On prend nos distances, moi entendez-vous. Enfant du zoo, ça vient de la peau. On perd ou on gagne, je viens de la peau. On flambe et tout, on flanche et tout. On prend nos distances, moi entendez-vous. Enfant du zoo, ça vient de la peau. On perd ou on gagne, je viens de la peau. Je te donne d'entrée les règles, la première pas de règle. Pas de règle. Deuxième, troisième, dis qu'il croque et tu bègues. Je ne doute pas, moi je rentre dans aucun système. Enlève tes pattes de la car ici c'est le manche qui règne. Le risque c'est la vie, pour peu qu'on la traverse. Manipuler les feux aussi falche que les amandes qu'on dresse. L'humain fut créé faible, sa force n'est pas de le reconnaître. Mais d'admettre qu'aucun effort n'est vain. Pour lever la tête, arracher ses liens. Que personne puisse les remettre, remuer sans fin. Plus qu'une rate à soir de fête, moi et mon frangin. On choisit de rester en famille ou on s'expose. Go, si j'explore, j'explose. La vie pose, des dilemmes, j'en suis informé. De balles posent, et tu aimes depuis des années. Le RAB pour moi n'a jamais été simple. Peut-être pour toi, j'ai vu la voix que je rêve. On flambe et tout, on flanche et tout. On prend nos distances, moi entendez-vous. Enfant du zoo, ça vient de la peau. On perd ou on gagne, je viens de la peau. On flambe et tout, on flanche et tout. On prend nos distances, moi entendez-vous. Enfant du zoo, ça vient de la peau. On perd ou on gagne, je viens de la peau. A chaque track, on passe à l'attaque. Que des attaques, quand dans le clan, personne marque le Mac. On a choisi notre camp, prends-en acte. On bouge qu'avec nos frères, de sang vient, on t'embarque. Chaque morceau est un voyage, jamais on échoue. Auprès de vous, on partage, après tout, on forme un tout. Tu kiffes ou tu dégages, aucune envie d'être doux. Tu te demandes ça vient d'où, là où on joue des coups de déchets. Tu te demandes ça vient d'où, faut comprendre ma tour. Confond pas les Mac et les Vincent Mac Tour. Squad le Macadam, fly sur mon Mac Tour. Connecte avec ma dame et demain t'es ma jour. Ça vient de là où la prière vaut tout. On sort pas des ruelles par un rituel. Elle vaut tout. Le crime est usuel, le matériel est trop doux. C'est la rime habituelle, sur la vie j'ai trop je doux. Viens de la peau, on flambe et tout. On flanche et tout. On prend nos distances, moi entendez-vous. Enfant du zoo, ça vient de la peau. On perd ou on gagne, je viens de la peau. On flambe et tout. On flanche et tout. On prend nos distances, moi entendez-vous. Enfant du zoo, ça vient de la peau. On perd ou on gagne, je viens de la peau.